Évaluation, nouveau rond-point 2. Unité 1. Tâche 1B. 1. Bonjour, j'ai vu votre annonce dans le journal. Je pense que j'ai un appartement qui pourrait vous convenir. Il s'agit d'un appartement près de Cassis, à 10 km des plages. C'est un appartement de 3 pièces, idéal pour 4 à 7 personnes. Il y a une grande salle de séjour, salle à manger, deux chambres, une avec un grand lit et une autre avec un grand lit et un lit simple. On peut aussi coucher dans le salon car le canapé est convertible. Évidemment, il y a tout le confort, machine à laver, lave-vaisselle et l'appartement a une grande terrasse. Le prix, alors nous demandons 550 € par semaine, mais comme je vous l'ai dit, c'est un très bel appartement, très bien équipé. Voilà, vous pouvez me rappeler au 06 16 86 66 97. Merci et à bientôt. 2. Bonjour, donc je vous appelle à propos de votre annonce. En fait, j'ai un bel appartement à louer sur Cassis. Il est vraiment idéal pour des jeunes. Donc, il a 3 chambres avec des lits doubles. Et en plus, il y a une grande pièce avec 4 lits d'une personne. Donc, on peut y loger sans problème 10 personnes. Donc, le confort est minimum. Mais bon, c'est à côté des plages. Et bon, c'est pas très cher. Hein. Je demande 520 € par semaine. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi vite au 06 17 88 75 65. Je répète donc, 06 17 88 75 65. À bientôt. 3. Bonjour, c'est pour votre annonce. Je vous propose un petit appartement de 2 pièces, une salle de séjour et une chambre. Dans la chambre, il y a 3 lits d'une personne et dans la salle de séjour, un canapé pour 2. L'appartement est tout équipé, notamment la cuisine, et il y a une belle salle de bain avec une baignoire. Vous avez aussi un petit balcon très agréable, et puis c'est pas très cher, hein, 330 € par semaine. L'appartement est libre du 15 juillet au 23 septembre. Ah oui, il est situé à environ 15 km des plages, en pleine nature, dans un très beau cadre, mais il faut une voiture. Vous pouvez donc m'appeler sur mon portable, c'est le 06 23 14 40 31. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.